do gonfila, oui. Yo do gonfila. Ou ta gen ti bagay sa nan kouen la. Sa ta reme pase sa. Mon chèm ba konnen. Di gon bel ti baskil. Bon van. Alors, hein? Son question de jante. Voilà. Di gon pè jante la, c'est bagay grave. Bel baskil. Attends, bel. Bon le bagay an kouen kote ou di ou. Ou travay ou lot kouen kouen. Yo di mou travay nan koko ou ko. Nan mou apel non. Nan koko. Parce que je suis dans la règle.